le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Encore une belle semaine de jeu, j'espère, pour tout le monde. Pour moi, oui, parce que j'ai joué plus que je le voulais. Et c'est encore cette semaine une émission chargée, mais une émission spécialement plus nouvelle. Cette semaine, on va y aller avec des rumeurs, des scandales et des nouvelles ludiques, bien entendu. Et tout ça avec mon collègue Andrew Castegan. Ça va, Andrew? Ça va toujours très bien. Je me demande même à quand une webcam dans le studio, c'était beau à voir. Ouais. Hein? C'était très beau à voir. Je suis sûr que nos auditeurs auraient aimé ça, voir ça. Ben, j'espère bien. Tout le monde veut me voir. Andrew, de quoi tu vas nous parler? On parle de nouvelles, mais tu peux nous donner un petit avant-goût tout de suite? Ben, en fait, en résumé, PlayStation Vita, encore une fois, petite console qui fait beaucoup jaser en Amérique du Nord. En bien et en mal. Après ça, Android Jelly Bean, communément appelé Android 5.0, macOS X Mountain Lion et Windows 8. Excellent. Et pour ma part, d'autres nouvelles, mais moi, je garde le secret. Et aussi, une petite chronique à la fin de l'émission sur les mods dans Skyrim. Qu'est-ce qu'on peut downloader, aller chercher sur Internet pour agrémenter notre jeu seulement ou carrément tricher? Et vous savez que les auditeurs habituels de Puissance Maximale connaissent mon penchant pour la triche. Ou en virer ça en production pornographique à bas budget. Eh oui, et riez pas, ça se peut. Donc, on va commencer en musique tout d'abord avec un classique des classiques, selon moi, une chanson qui s'appelle La Légende d'Actarus et qui est interprétée par M. Jean-Pierre Savelli, le chanteur de l'époque. Et pour ceux qui ne se rappellent pas c'est qui Actarus, ben, c'est le pilote du célébrissime Goldorak, mais super robot. Des années 70, un manga qui est connu par les plus vieux, mais aussi par quelques jeunes qui sont mordus et qui ont vu certains classiques. Alors, on commence tout de suite avec cette chanson sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Vous écoutez Puissance Maximale. De notre terre, la planète bleue, dont This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, on est de retour à Puissance Maximale. Merci, Duke. Et on entre dans une section nouvelle ludique. Et on va commencer avec le jeu Mass Effect 3 qui s'en vient. Mais il y a les développeurs de Mass Effect 3 qui ont... Ben, c'est Electronic Arts qui ont... Electronic Arts, excusez-moi. Et BioWare. Mais ils ont décidé de faire un petit coup pub en envoyant Mass Effect 3 dans l'espace. Et je m'explique. Ils ont décidé d'envoyer des copies du jeu Mass Effect 3 avec des ballons sondes dans la stratosphère. Bref, dans l'espace. Et les jeux vont revenir tranquillement vers notre chère Terre. Et ceux qui trouveront les copies, ben, vont pouvoir les garder. C'est un peu au hasard. Il y a des ballons qui vont être lancés de New York, San Francisco, Las Vegas, Berlin, Londres et Paris. Et il y a des... En fait, il y a un GPS sur chacun des ballons pour essayer de le retrouver. Et le retrouver dans l'univers. Et comme ça, vous pouvez trouver chercher les... vous allez sur le masseffect.com et vous pouvez suivre les locations de chaque ballon. Fait que si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être trouver un ballon près de chez vous, en espérant que ça tombe pas dans votre piscine cet été, ou n'importe où, ou un jeu où ça tomberait, ben vous le perdriez, genre sur une montagne, dans un volcan, on sait jamais. Mais milieu de l'océan. Ou dans une prison. On remarque que maintenant, dans les prisons, ils ont des consoles. Mais je te dirais que moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça drôle comme petit coup pub. On va voir combien de personnes pourront récupérer ces fameuses copies gratuites de Mass Effect 3. Il reste juste à savoir si le jeu va être bon. Voilà. Le marketing est bon, en tout cas, ça va bien. C'est ça, mais on sait pas, ça va peut-être faire comme le roman, il va peut-être avoir une patch parce que le monde n'aimera pas l'histoire. Parce qu'il faut pas oublier, dans Mass Effect 3, on peut jouer Shepard, fille. On a jamais pu dans les deux premiers Mass Effect, mais dans le 3, on peut. Nous verrons si ça vaut le détour, puis si ça fait que le jeu est bon. Donc, on va continuer avec une nouvelle d'Andrew. Cette fois-ci, tu vas nous parler d'Android. Oui, mais en fait, c'est une émission ludique, mais que ferions-nous sans système d'exploitation pour faire marcher nos petites machines? Puis aujourd'hui, tu vas nous en parler amplement. Amplement. En fait, on est dans une année de transition, 2012-2013, beaucoup de systèmes d'exploitation vont évoluer. Mais un des premiers que j'ai été surpris de voir la nouvelle, c'était Android. Parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Ben, en fait, il y a la version 4.0 qui est en développement depuis janvier, la mi-janvier à peu près. Puis dans le fond, c'était la nouvelle version qui allait être toute unifiée et qui allait faire en sorte que tout le monde allait revenir à niveau. Parce qu'il faut savoir qu'Android, il y a du monde qui joue avec du 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, puis plein de versions comme ça. Fait que Google voulait tout mettre à même niveau, tout niveler, puis dire, regarde, on marche sur une plateforme. Mais là, chose qui arrive, c'est que Google avait donné le mot d'ordre aux compagnies quand 4.0 va sortir. Il faut que toutes les compagnies se conforment et fassent la mise à jour. Ce qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui n'est pas le cas? Donc, tu sais, il y a des compagnies qui ont dit, oui, on va faire les mises à jour, comme exemple HTC, qui ont dit, nous allons faire les mises à jour en début février. On attend toujours. Il est le 23, puis j'attends toujours. Donc, tu sais, c'est genre des éléments-là. Ça, c'est un des gros problèmes. Moi, j'adore Android. J'ai un téléphone Android moi-même. J'aime bien mon système d'exploitation. Mais manque d'uniformité, qui est un peu vraiment un gros défaut face à Apple et son iPhone. C'est ça. Puis, tu sais, un autre point. Tu as un Sony Xperia Play. Sony qui est loin d'être la compagnie qui domine le marché du téléphone portable. HTC qui est un des gros fabricants de portables au niveau d'Android. Puis moi, j'ai ma version 4.0. Version 4.0 et HTC traîne la patte et ne fait pas sa mise à jour. Même les tablettes Asus ont fait leur mise à jour avant HTC. Il y a un problème. En plus, au Canada, c'est encore plus compliqué parce que les fournisseurs qui doivent... Exactement. Qui jouent là-dedans aussi. Là. Exactement. Plus que nous autres au Canada, on a des téléphones majoritairement verrouillés, à l'exception de Vidéotron, qui sont déverrouillés. Ben, il faut que les fournisseurs comme Bell aient une version pre-release, donc avant sortie de HTC, pour que eux mettent leurs informations comme ils veulent dans la version d'Android. Donc, tu sais, ça rajoute de booting avec le mot la compagnie, ces choses-là qu'on peut pas effacer d'ailleurs, et tous leurs jeux. Moi, je manque de place sur mon téléphone, on peut pas enlever ça. Au Canada, on le dit souvent, mais au Canada, on traîne la patte côté télécommunication. Effectivement. Fait que Google étant pas satisfait du déploiement d'Android 4.0 pour rattraper le retard technologique, a décidé de devancer la sortie de Android 5.0, qu'on sait pas encore si ça va être 5.0 ou 4.5 ou Bref, peu importe après la numérologie. 4.0, oui. Mais il va porter le charmant nom Jelly Bean. Et en fait, on va retrouver relativement les mêmes choses que qu'est-ce que 4.0 a emmené. Donc, version uniforme, ça va être une mise à jour autant sur tablette que téléphone. Et on parle d'une majeure partie, quand même une très grande amélioration au niveau de l'alimentation. Et une rumeur non confirmée, qui devrait être confirmée lors du prochaine conférence de Google, installable sur ordinateur. Oh! Donc, tablette Windows 8 et ordinateur portable pourraient être multi-boot avec Android intégré dedans. Avec une seule clé d'activation? En fait, il serait open source. Il sortirait directement de Google. Donc, tu sais, il n'y aurait pas de fabricant qui toucherait dedans. Puis, tu sais, ça permettrait vraiment... Va falloir avoir un Windows, par exemple. D'après, qu'est-ce que j'ai lu? Ah, okay. On ne pourra pas installer uniquement Android. Moi qui comme pensais... je dis, c'est au stade rumeur. Moi qui pensais m'échapper des griffes de Microsoft. Ouais. Mais, tu sais, c'est au stade rumeur, mais ça coûte en tant que tel Google pour des affaires de réglementation technologique. D'après, qu'est-ce que j'ai lu? Ne pouvait pas sortir un système d'exploitation tout seul ou sans avoir des accords. Bref, ça a l'air d'être compliqué. C'est à voir. Ça va être à voir lors de la prochaine conférence, mais effectivement, si Google se lance dans le système d'exploitation PC, je sens qu'il y a du potentiel, je sens que s'ils sont capables de vraiment bien intégrer ça, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant dans le gratuit, qui sera accessible plus facilement que qu'est-ce qui est distribution Linux actuellement. Fait que ça serait quand même très intéressant. On a hâte de voir ça, on a hâte de voir aussi la prochaine version d'Android, donc on va espérer qu'effectivement elle soit au rendez-vous et que les télévisions. Elle serait supposée de sortir cette semaine, mais cette année. Okay. On parlerait fin printemps, début été, d'après ce que j'ai lu sur Internet. Bon, ben, prions le dieu des téléphones portables et espérons, chers amis. Continuons avec une nouvelle sur la Xbox. Et oui, pour les amateurs et les fervents de jeux indépendants, vous avez sûrement remarqué récemment qu'il y a eu une mise à jour pour votre menu Xbox Live. Eh bien, dans la section Game ou Jeux, Vous avez dû revoir qu'il y avait maintenant une section jeux indépendants qui était demandée depuis longtemps par plusieurs développeurs. Et bref, la communauté est bien contente parce qu'il y a de plus en plus de jeux indépendants qui valent la peine. On a un peu connu une vague de jeux indépendants vraiment importante, entre autres avec Minecraft. Là, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, des jeux de qualité. Entre autres, là, moi, j'ai entendu parler d'un certain Breath of Death 4, un genre de RPG à la 16-bit, le classique, et on m'a dit du bien, un classique RPG que le monde aime beaucoup sur le net. Donc, pour les intéressés, c'est à voir sur Xbox. Puis tu me parlais d'un autre jeu aussi, Ardon, tantôt par rapport au Xbox, je pense? Ben, il n'est pas encore sorti sur Xbox. Il va s'en venir. C'est fait par le même studio que le jeu que tu viens de nommer, qui s'appelle Cthulhu Save the World. Oh! Donc, normalement, c'est plutôt l'inverse, Cthulhu, mais... Oui, c'est habituellement Cthulhu conquiert le monde et mange des cultistes et autres mortels. Mais là, il sauve le monde. Oui. Il va sortir sur Xbox? Ben, en fait, il est en évaluation pour le portage. OK. En fait, pour expliquer la chose, en fait, plus que cette nouvelle-là, c'est le monde était bien content. C'est à cause Microsoft était une plateforme de développement pour les jeux indie au début. Par contre, les studios ont commencé à délaisser la Xbox parce que Microsoft était trop chérant au niveau des accords, le pourcentage, des affaires comme ça qu'ils demandaient au niveau des studios indépendants. Il y en avait beaucoup qui disaient « Non, c'est trop, on peut pas y aller », à part les gros studios comme exemple Mojang ou ceux qui font Super Meat Boy ou des choses comme ça, que eux peuvent se le permettre. Fait que là, cette nouvelle-là a fait en sorte que Microsoft a revisé sa vision des jeux indie pour ainsi ramener la Xbox 360 dans les bonne grâce, dans le fond, des développeurs indépendants, au grand bonheur de beaucoup de joueurs, parce que c'est sûr, le PC, c'est bien pour jouer, mais des fois, une manette, c'est agréable. Mais donc, on voit un focus qui revient sur la Xbox pour le jeu indie. Moi, je voudrais souligner, ça par rapport avec la Xbox, là, on parle de jeux indépendants. Il y a un petit jeu que j'ai joué, j'ai beaucoup sacré en jouant à ce jeu-là. Tu dois savoir de quoi je parle. Un jeu qui est sorti il y a pas longtemps avec un personnage, je pense, c'est de Double Dragon. Ils ont fait un jeu par rapport à ça. C'est un hommage finalement à tout ce qui est jeu Abobo Biggs Adventure. Oh yes, qui est sorti. On peut aller chercher ça sur quel site? En fait, vous cherchez tout simplement Abobo Big Adventure. A-B-O-B-O-B-O. Ou enlever un BO, bref. Biggs Adventure sur Google. Puis vous allez tomber direct dessus. Ou encore, c'est un. Il y a beaucoup de développeurs de ce jeu-là qui sont très présents sur Newground. Donc, le lien est accessible sur newground.com aussi. Donc, moi, j'ai joué. C'est quand même difficile. Je suis rendu au dernier niveau. Je t'emmerde. Mais c'est un bon... Moi, c'est quand même cool. C'est un hommage au jeu de l'époque. C'est un bon beat'em all. Puis en plus, vous pouvez jouer avec une manette. Même si c'est directement sur un navigateur Internet, vous pouvez, avec un petit logiciel que vous allez chercher, c'est pas très compliqué, vous branchez votre manette USB et voilà, vous pouvez jouer à Bobo Biggs Adventures. La joie du HTML5. Merci Andrew. Bref, c'est du HTML5 pour jouer avec votre manette. Merci Andrew de nous. Grâce à toi, on va se coucher moins niaiseux ce soir. C'est le futur. Moi, j'ai vu ça sur des bannières sur Internet d'ailleurs. HTML5 is the future. On va continuer en musique. Après ça, on va revenir avec d'autres nouvelles. On va y aller avec une chanson provenant de la trame sonore du film Scott Pilgrim vs. the World et par leur groupe fictif qui s'appelle les Sex Bobans, mais la chanson s'appelle Threshold. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Oui, on est de retour à Puissance Maximale après une courte chanson des Sex Bobam. Et on va continuer en nouvelle, toujours avec Alan Wake, American Nightmare sur PC. Après des dires de Microsoft qui ne voulait rien savoir d'amener ce jeu-là sur PC, mais finalement la compagnie en question, une compagnie finlandaise, a décidé de l'amener sur PC, leur jeu, et vous devinez en combien de temps ils ont réussi à faire leurs frais. 48 heures. Ça a été un best-seller sur Steam. Ça a pris 2 jours avant, puis ils ont fait leurs frais marketing, portage et tout. Donc, la compagnie est bien contente, puis ça leur permet aussi de dire aux gros distributeurs comme Microsoft que ça vaut la peine de mettre des jeux sur PC parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de joueurs PC. C'est pas tous des joueurs de Call of Duty, de Modern Warfare. Il y a différents joueurs PC et j'en fais partie. Moi, je suis un gros joueur PC. J'adore mon PS3, mais ça reste que je joue plus souvent sur PC. L'appel du clavier, de la souris est fort. Et voilà. Et souvent, surtout pour les shooters, moi, je suis pas capable de jouer sur console. Ça, c'est un bel exemple à Alan Wake. C'est un jeu action horreur là, ce jeu-là. Et c'est sorti. Ben, en fait, c'est sorti avant hier, si je me rappelle bien, le 22 février dernier. Et c'est hier le 22. Ah ben oui, c'est vrai. C'est le 22. Donc hier, pour ceux qui écoutent en direct et pour les autres, ben. Regardez votre calendrier. Voilà, c'est un jeu qu'ils ont réussi à finalement mettre sur PC, qui valait la peine parce que la compagnie a fait ses frais. Donc, je pense que c'est une... c'est une bonne leçon. Il y a beaucoup de jeux qui gagneraient à être sur PC également. D'ailleurs, la compagnie s'est pas gênée de faire un petit clin d'œil à cette situation-là au niveau de Microsoft. En fait, comme Michael disait, Microsoft ne voulait rien savoir que le jeu sorte sur PC. Donc, quand on joue à la version PC, il y a un moment dans le jeu où on trouve un petit code QR. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est les genres de petits barbeaux carrés avec des petits points pleins de pixels que vous trouvez des fois en arrière des dépliants ou sur des posters dans des lieux publics. Ben ça, si vous scannez ça avec votre téléphone, ça vous donne soit une adresse internet, un email ou un message. Et dans le cas du jeu, c'est un message. Et c'est un message, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que ça dit, mais résumé en français, vous voyez Microsoft, ce jeu est aussi plaisant avec un clavier puis une souris. Parce que Microsoft avait l'air de dire, je pense, que ce jeu-là, ça va être un jeu de salon avec sa manette et un peu un survival horror, action dans son salon, mais... Ils ont pu donner tort. Ils ont montré à Microsoft qu'ils avaient tort en amenant cette version-là sur PC. Ben, c'est pas la première fois que Microsoft a tort, non, effectivement. Que Microsoft se retrouve dans ce genre de situation-là. On fait juste penser à Halo, série phare de la Xbox. Microsoft avait dit à Bungie, non Bungie, vous n'avez pas de potentiel sur PC. De toute façon, Master Chief, il est associé à Xbox. Son nom est associé à la console. Donc, vous serez pas capable d'accrocher les joueurs sur PC, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Halo 1 sur PC, ça a été un des best-sellers quand ils l'ont sorti. Ils ont fait Halo 2 sur PC. Il y a juste les derniers qui n'ont pas été sortis sur ordinateur, mais tu sais, ça a quand même bien marché, assez pour qu'ils fassent même une version Mac. Moi, j'aime pas la Xbox personnellement. J'aime beaucoup la manette d'Xbox, par exemple, mais la console, il y a eu trop de problèmes, ça m'intéresse pas. Mais je vous avoue que j'ai pas joué beaucoup à Halo, j'ai joué au premier. Quand la Xbox 1 est sortie. Et je peux vous garantir, puis pour avoir joué, j'avais vraiment aimé ça, puis je peux vous garantir que s'il y avait des versions PC pour toute la série, j'aurais toute la série à la maison. Mais d'ailleurs, tant qu'à parler de problèmes techniques, je rappelle, Microsoft, s'il vous plaît, si vous allez faire la prochaine console, mettez pas le heatsink en X. je le dirai jamais assez. Merci Andrew de ce rappel. D'ailleurs, on vous rappelle que toute l'équipe de Puissance Maximale est disponible pour des conseils à toutes les compagnies de développeurs de jeux parce que on pense avant tout aux joueurs. Donc voilà pour Alan Wake en fait qui nous ramène justement au débat PC console. Donc ça vaut la peine de mettre ces jeux version console, chers développeurs. Andrew, t'avais une autre nouvelle. Je pense que t'allais nous parler maintenant de Mac et de son prochain operating system. Oui, ben si je me rappelle pas si c'était aujourd'hui ou hier ou avant hier, mais cette semaine, bref, Apple ont fait une conférence pour dévoiler la prochaine, ben du moins les grandes lignes de leur nouveau système d'exploitation. Vous savez, Apple aime beaucoup les chats, malgré le fait que c'est le nom d'un fruit. Tout leur système d'exploitation ont le nom d'un félin. Donc, dans le fond, la dernière version que macOS ont sorti, c'est macOS X Lion. Première chose qu'on apprend, les versions de OS de Mac ne s'appelleront plus macOS X, mais vont seulement porter le nom OS X. Et la prochaine version va s'appeler Mountain Lion. Le fait pourquoi que Mac ont laissé tomber l'appellation Mac OS X, c'est que au grand désarroi de plusieurs personnes adorant Mac, le système d'exploitation de PC va prendre la tournure iOS. Donc, toutes nos applications vont passer par un launchpad, comme la belle écran de iPad, où on choisit nos applications, avec antivirus intégré qui va s'assurer que toutes vos applications sont signées Apple, donc non pas téléchargées sur le net. Dans le fond, beaucoup de critiques technologiques disent que c'est un gros pas en arrière au niveau de Mac, et je dirais que j'ai lu l'article, puis vraiment, j'ai l'impression qu'on prit iOS, puis on se dit, on va le mettre dans les Macs. OK. Donc, tu sais, c'est quand même très décevant au niveau de Mac, mais en même temps, ils veulent s'assurer du contrôle. Mais Mac a toujours voulu plus de contrôle auprès de ce qui était sur leurs ordinateurs et sur leurs tablettes et leurs téléphones. Donc, on est plus ou moins surpris. On a le droit d'être déçu, par exemple. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, on parle de quitter, dans le fond, le format conventionnel d'un système d'exploitation pour vraiment s'approcher du user-friendly qu'on reconnaît à iOS. Pourquoi Apple font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent aller chercher peut-être les mondes moins habitués à l'informatique qui peut-être vont être rassurés de voir que le portable qu'ils vont acheter ressemble au iPad que tant de gens ont acheté? Je l'ignore, mais je dirais que beaucoup de gens en informatique vont être moins intéressés par les produits Apple, et c'est quand même très décevant, mais c'est quand même les premières lignes. On n'a pas eu le système en action, on sait pas l'intégration, mais t'sais, ça a vraiment fait iOS, ça va prendre une tournure iOS, comme les iPads, l'iPhone, normaliser et tout. Étrangement, par exemple, ils ont décidé de prendre cette tournure-là pas longtemps après que, que Google a annoncé Android Jelly Bean qui allait peut-être entrer sur le marché des PC. Donc, est-ce que c'est une façon de les bloquer? Je l'ignore. Mais quand même un peu décevant là, de la part d'Apple là, au niveau là, des décisions qui ont été prises. Mais on va voir. On va tester. Et les détails de ce système d'opération-là n'est pas encore sorti. On attend aussi de voir ça. Mais à date, les nouvelles sont pas très joyeuses pour les geeks d'entre nous qui aiment exploiter leurs machines et jouer dedans. Donc, on verra plus tard les détails de ce système d'opération. On y va avec une autre nouvelle, cette fois qui parle de nouvelles sur PlayStation et Sony. En fait, une mise à jour du PlayStation Eye. Il y aurait un brevet qui serait passé il n'y a pas si longtemps, même cette semaine, sur un nouveau PlayStation Eye, finalement, qui nous décrit quelque chose qui ressemble beaucoup à la Kinect d'Xbox. Quelque chose avec... je vais le dire en anglais, computer generated costumes, donc des costumes générés par ordinateur, des environnements de jeu interactifs, une caméra tridimensionnelle avec un contrôle infrarouge. Vous voyez un peu le genre, ça ressemble pas mal à ce qui se fait avec la Kinect. Je pense que le PlayStation Move, on a le même problème finalement qu'avec toutes les autres consoles, avec finalement des manettes qui reconnaissent le mouvement, un problème de jeu intéressant qui est pas la plupart, grand pourcentage, c'est des jeux on-rail, donc assez linéaire. Là, on essaie toujours, je sais pas pourquoi, les compagnies s'efforcent à aller chercher des nouveautés au niveau de la console au lieu de peut-être demander à leurs développeurs de faire des choses plus intéressantes pour ces jeux-là. Remarquez que ça limite quand même les choses qui peuvent se faire dans un jeu pour le moment avec ce qui est possible avec ce genre de manette-là. Mais bref, on a finalement un Sony qui déciderait aussi de laisser tomber les manettes et d'aller vers la caméra sensorielle à la Kinect. On verra. Puis voir Nintendo, eux, qui font l'inverse. Moi, je continue à dire qu'une manette, c'est une manette et qu'on... En tout cas, on devrait pas la mettre de côté. Xbox le fait pas non plus. Il y a toujours les jeux classiques là, et PlayStation, Sony, la même chose. Ils ne font... Mais, je veux dire, ils vont développer quelque chose à ce niveau-là. Moi, à leur place, je leur garderais quand même une possibilité d'avoir une manette entre les mains parce qu'il y a certains jeux qui pourraient gagner en valeur hautement en gardant une manette, puis comme ça, avoir des possibilités plus intéressantes en jeu, puis pas juste avoir des jeux où on peut bouger des mains et avoir des jeux de course où on peut pas contrôler notre auto, entre autres. Donc, on continue en musique après ces quelques nouvelles. On va revenir en nouvelles, bien évidemment, après cela. On y va avec une chanson. Pour ceux qui connaissent, moi, je suis un peu maniaque, c'est mon côté quétaine un peu, de comédie musicale. Et pour ceux qui connaissent la comédie musicale A Fiddler on the Roof, qui est une comédie musicale parlant d'un père juif qui veut marier ses trois filles, ben il y a la H.P. Lovecraft Historical Society que vous connaissez déjà. On a déjà fait jouer de leur musique ici à Puissance Maximale pour les émissions des musiques de Noël, Very Scary Solstice, entre autres, un album qu'on fait jouer souvent dans le temps de Noël ici à Puissance Maximale. Mais ils ont fait aussi une parodie de Fiddler on the Roof qui s'appelle A Shoggoth on the Roof. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Lovecraft, c'est une créature finalement de la mythologie de Lovecraft, et on a finalement un père avec ses trois filles qui veulent marier différents personnages de l'univers de Lovecraft, des cultistes, des trucs du genre. Et vous allez entendre une chanson qui est une parodie, une chanson qui s'appelle Two Life. Et c'est, vous écoutez ça à CKIA FM 88.3 à l'émission Puissance Maximale. Good heavens, are these human cadavers? Indeed they are. What on earth do you intend to do with them? To life, I'll bring them. I'll bring all these dead men to life. He's found a way for surviving them. Really reviving them. He can do it. To life, he brings them. I really do bring them to life. I have a genius with chemicals. Also polemical. Yes, it's true, there's been strife. This is really the most shocking thing I've ever heard. And I have heard of you. Dead man. I'll bring them with one small injection like this. Think of it, Papa will never die, live for forever. My, 'cause I bring them to life. Well, I must say, this is amazing. I began experimenting on small animals of various kinds and perfected a solution which reanimates dead tissue. See, Papa? Yeah. When I was sure my solution worked, I began to test it on human subjects. Here, Papa. That is fascinating. And in the end, I was even able to convince Dr. Halsey that my methods were sound. And here he is. To life, he brought me. I brought Dr. Halsey to life. Of course, I first had to kill the man with some ingenious plan. He just shot him. Okay, it's true, I shot him. I shot him, but brought him to life. He has no reason to want to live. I do, she's yours to give. Prudence here as my wife. Oh, Papa dear, I want to marry Herbert, since he has a power once reserved for God. I never could say no to you, my darling, even though young West should face a firing squad. To life, we'll bring it. For better or worse. And if that life has no quality, still there's the quantity. We will bring it to life. Puissance maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et on continue à puissance maximale et on va continuer avec Andrew. On va encore parler de système d'exploitation et on va parler maintenant de Windows 8. Oui, mais premièrement, je vais saluer un de nos fidèles auditeurs qui m'écrit en direct sur mon téléphone, Jimmy Fortin. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Mike a le talent de trouver des tunes bizarres. Hey, voilà, mais, des tunes bizarres, mais bonnes. Bonnes, effectivement, il faut faire la différence. Bref, oui, Windows 8. En fait, on a souvent fait des blagues sur Windows 8. Tu sais, quand ça a été annoncé, on disait, oh, si on fait le calcul, tu sais, ça sera un flop. On est supposé être dans l'année creuse de Microsoft. Puis tout ça. Mais finalement, ça a l'air qu'on aurait de quoi. Microsoft ont commencé à signer des contrats avec des compagnies pour la distribution de ces ordinateurs, des choses comme ça. Puis il y a eu beaucoup de versions prévues. Il ne faut pas oublier quand Microsoft 8, pas Microsoft, quand Windows 8 a été annoncé, il y a eu déjà une version développeur preview qui était installable, qui était bizarre, certes, on voit vraiment plus axé vers la tablette, mais fonctionnait quand même très bien pour une version qui était alpha. Et là, la bêta qui a commencé à circuler dans le fond de Windows 8 et beaucoup d'usagers, autant que les compagnies sont, puis les chroniqueurs informatiques sont très impressionnés, en fait, par la qualité du système d'exploitation. Il paraîtrait qu'il est très bien optimisé, très rapide et qu'ils ont fait un copier-coller qui va vite! Oh! Oh! Parce que, tu sais, quelque chose qui a été beaucoup reproché à Windows, c'est maintenant qu'on prend Linux, on fait un copier-coller, que le fichier fasse 20 gigs, ça prend pas 40 minutes, t'sais, ça se fait vite. Puis on n'a pas besoin d'une machine très performante, mais Windows 8, ça serait beaucoup inspiré de Linux, dans le fond. Faut pas oublier, Ubuntu, une distribution Linux, avait fait une revision complète de leur interface pour être plus tablet-friendly avec Unity ou quelque chose comme ça. On dirait que Microsoft s'est un peu inspiré... Tout le monde s'en va vers ça, on dirait. Là, on parlait de Mac tantôt, mais là, avec PC, est-ce qu'on s'en va aussi vers le tablet-like, si on veut, quelque chose à faire? Ben, en fait, l'interface du menu démarrer, de Windows 8 est vraiment tablette. T'sais, on le voit tout de suite, c'est des grosses icônes, c'est optimisé pour la tablette. Par contre, qu'est-ce que les chroniqueurs technologiques disaient? C'est que même sur un ordinateur, ça répond bien. Que la souris répond bien, quand on clique, ça répond bien. On peut naviguer facilement dans les applications sans même qu'on ait besoin d'un écran tactile. Et c'est là, dans le fond, que le monde avait peur. Moi-même, quand j'ai essayé la version alpha, la version développeur, j'étais sceptique parce que l'interface métro, qui est comment que, dans le fond, le menu démarrer s'appelle, était comme pas au point encore à 100%. Fait que, tu sais, j'étais sceptique. Mais là, de plus en plus, je lis des nouvelles, de plus en plus, là, le monde dit « Non, non, ça répond bien. » Ça répond bien. Puis, tu sais, c'est un système d'exploitation qui a du potentiel, puis il est léger. Puis, chose qui est bien, par exemple, c'est que Microsoft ne se cache pas avoir développé l'interface de Xbox avec l'interface Metro. En fait, les dernières grosses mises à jour, c'était l'intégration de l'interface Metro dans une console. Puis, la nouvelle interface de Microsoft est quand même bien. Tu sais, c'est sûr, moi, je connais l'interface de Xbox depuis le début. Et je vous dirais, tu sais, c'est un peu déstabilisant. Mais, tu sais, on voit que c'est bien travaillé, c'est ergonomique, c'est simple. Puis on taponne avec une manette, ça va bien. Pourquoi pas une souris? Avec une souris puis un clavier, ça doit être mieux. C'est ça, exactement. Fait que t'sais, c'est ça va être à regarder. Puis en plus, il paraîtrait, pour la première fois depuis très très longtemps, il serait abordable. Ah oui? Ça coûterait pas 200$, 300$? Ben, il serait moins cher qu'une bonne partie des distributions que Microsoft ont déjà faites au niveau de Windows, donc une baisse de prix, puisqu'une partie du développement de Windows 8 a déjà été fait à travers Vista et Windows 7. Fait que, t'sais, c'est une mise à jour, dans le fond, de ça, avec des nouvelles interfaces, des choses comme ça, mais en soi, le code reste relativement le même. Fait que, donc, c'est un peu normal que si le coût de développement du système d'exploitation a coûté moins cher, que l'application coûte moins cher. Puis, faut pas oublier, Microsoft ont décidé de reprendre, comme à l'époque de 95-98, des mises à jour plus fréquentes du système d'exploitation et moins de longs moments sans de temps mort comme Windows XP l'a été. Parce que c'est ça qui a fait un coup fatal à Vista majoritairement. Trop de changements, trop cher, puis le monde était trop habitué dans leur... comme des vieilles pantoufles. Dans le fond, XP, c'était la vieille paire de pantoufles, on était bien dedans. Fait que là, ils ont décidé de changer ça, mais évidemment, il faut qu'ils ajustent les prix en conséquence s'ils veulent que le monde suive les mises à jour de Windows. Mais, à surveiller, il risque d'être très intéressant. Est-ce qu'on a une date de sortie pour Windows 8? Ça serait cette année. Ah oui? J'ai pas de... Je vais peut-être attendre avant d'upgrader mon PC, finalement. j'ai pas de date exacte, mais ça serait automne 2012. Ah non, j'attendrai pas jusque-là. Mais c'est à surveiller. Windows 8, on a hâte de voir ça. Et, effectivement, peut-être un bon coup de Microsoft cette année, on verra ça. On continue maintenant avec un petit bloc rapide de PS Vita. Entre autres, là, un jeu qui va sortir dans pas long, autant sur Vita que sur PlayStation aussi. Je sais pas, il va sortir sur Xbox également. Street Fighter, Cross Tekken. Il va y avoir des persos bonus sur la Vita. Des choses qui n'ont pas été annoncées sur certaines consoles, mais la Vita aura ses bonus. Entre autres, vous pourrez avoir... Ben, en fait, moi, j'ai réussi à voir sur Internet que la version Vita va être la seule version qui va avoir Blanca, Cody, Dudley, Elena, Guy, Sakura, et va avoir également de Street Fighter Alyssa Boskonovic, Brian Fury. Mais c'est pas Street Fighter, ça. Ah non, c'est les premiers étaient Street Fighter, puis là les prochains c'était Ken, ce que je suis en train de vous dire là. Donc le nom qui sonne en russe, Madame Alyssa Boskonovic, Brian Fury, Christy Monteiro, Jack Lars Alexanderson et Lee Wulong seront de Tekken. Donc il y a quand même pas mal de personnages bonus pour cette version Vita là. Je sais quelle version je vais m'acheter. Et voilà. Et on ne pourra pas laisser ensemble, mais c'est pas grave. Donc, un jeu peut-être qui va être intéressant à aller s'acheter sur Vita. Habituellement, je pense que les jeux sur Vita vont être un peu moins chers que sur console. À peu près 10$ normalement, si on se fie à la moyenne des jeux actuellement. Là. Donc, pour ceux qui ont une Vita, qui veulent avoir un bon jeu de combat, ben ça serait à voir là, Street Fighter Cross Tekken avec des personnages de plus. Dis-moi, Mike, petite parenthèse rapide sur Tekken versus Capcom Street Fighter. Il y a des personnages qui ont été annoncés dernièrement. Il y a eu l'annonce de Pac-Man et de Megaman. Dis-moi, que penses-tu de Megaman? Je ne dirai pas ces mots à la radio. Mais c'est un peu ridicule. Je sais pas, ce que je connais pas cette version-là. En fait, le monde connaisse pas la franchise de Megaman. En fait, je veux juste le dire parce que j'ai vu beaucoup de commentaires circuler sur Facebook et ça m'a fait bien rire. En fait, le monde connaît Megaman sous sa version du petit bonhomme bleu et très sympathique et très joyeux. Avec le canon sur le bras. Exactement. Mais à l'époque, à la NES, la première version de Megaman, l'image sur la boîte, c'est le Megaman qu'ils ont pris pour. C'est comme un gros bonhomme en wetsuit. saute avec un casque et un gun dans un fusil dans une main. Exactement. C'est pas propre, puis c'est pas chic-chic, là. C'est ça. C'était la première image, dans le fond, du cover qui a été faite. Et Megaman a pris sa tournure bleue avec le bras, dans le fond, majoritairement à cause des limitations de la NES, dans le fond, de Nintendo, qui était pas capable de faire vraiment le pistolet et tout ça. Et où ça, en même temps, ben, quand ils ont fait la sortie en Amérique du Nord, ils ont fait un petit... Ça a pas marché. C'est peut-être pas marketing. C'est ça, mais là, on avait quand même des beaux designs de Mega Man. Mais là, ils ont décidé de prendre ça. Moi, je disais à Capcom, repensez donc à votre affaire. Ben moi, sortez donc des skins, là. Moi, je serais le premier à m'acheter un DLC avec des nouveaux skins de personnages pour Mega Man. Ça, c'est sûr. Moi, je lève mon chapeau à Namco pour... Pour Pac-Man. Pour Pac-Man. Il est génial. J'ai hâte de l'essayer. Pac-Man qui va être dans ce jeu-là aussi. On a hâte de voir ça également. Mais rapidement, Michael, on va parler scandale. Oui. Puisque tu, dans le fond, on parle encore de la Vita, là. Mais un scandale par rapport à la Vita. On parle encore de promesses de Sony qui seront pas tenues, finalement. Oui, mais en fait, on en avait glissé un mot la semaine passée à propos du UMD Passport qui allait pas être disponible en Amérique du Nord. Mais finalement, j'avais glissé un mot aussi sur le jeu à distance qui ferait en, que Sony avait pas démenti, avait pas dit tatatata, mais Sony ont fait tomber la guillotine, le coup est tombé. Ça ne sera pas Sony ne fera pas de mise à jour pour déverrouiller tout le jeu à distance sur la PSP. Il lance la balle en fait aux concepteurs de jeux, disant que ça doit être les concepteurs de jeux qui disent à Sony de déverrouiller la fonction jeu à distance. C'est pas totalement perdu, mais c'est pas Sony qui va faire ça de son plein gré, finalement. C'est ça, exactement. Tandis qu'il y a des modeurs de consoles qui ont montré que c'était à Sony de déverrouiller cette fonctionnalité-là en faisant une mise à jour du système d'exploitation de la PlayStation. Ça avait pas l'air trop compliqué, je pense. C'est une variable à changer. Juste pour le monde qui connaisse pas un peu la programmation, c'est en fait, on a du code, c'est une ligne, puis c'est même pas la ligne à changer, c'est un élément de la ligne à changer. C'est ridicule. C'est un chiffre. Enlever un 1 pour un 0. On s'entend, là. C'est juste ça, là. Je pense que le Sony est en train de se tirer dans le pied, mais depuis 2 ans, là, avec les problèmes de la PlayStation Network, qui ne s'appelle plus la PlayStation Network, qui s'appelle la Sony Entertainment Network maintenant, des problèmes avec la Vita, vraiment des problèmes avec ceux qui achètent leurs produits, les consommateurs, les clients de Sony, moi-même, je suis un gros fan, un peu un fanboy Sony, puis je peux vous dire que moi, je commence à en avoir assez. Je trouve que Sony, ça tient plus la route, là. Mais sais-tu quoi, mon ami Mike? Ce n'est pas tout. L'édition première édition, la version que j'avais achetée, dans le fond, là, de la PS Vita, je l'ai encore d'ailleurs, mais bref, à l'époque, quand elle a été annoncée, c'était supposé être la console Wi-Fi 3G à l'intérieur. On en avait parlé la semaine passée. Oui, puis là, tu te demandais s'il y avait eu une erreur. Effectivement. Mais non, c'est que la version japonaise de cette édition-là avait cette console-là, mais la version américaine ne contient pas cette version-là. Fait que dans le fond, on paye le prix de la grosse version de la PS Vita avec le 3G. Tout ça, on a des accessoires. C'est bien, dans mon cas, le 3G, c'était pas essentiel. Mais quand on paye 299$ pour une console et on s'attend à avoir la grosse console, console à 299, c'est décevant. Donc ça, c'est une autre promesse que Sony... en fait, ils l'ont pas promis, mais t'sais, c'est une inégalité. C'est ce qui est annoncé. Exactement. Et ensuite, ce n'est pas tout. Avec la version Wi-Fi, les services de la PS Vita qui nécessitent la géolocalisation ne fonctionne pas. Sony avait dit que toutes les applications, dans le fond, là, qui allaient être disponibles sur la PS Vita allaient être fonctionnelles. Au pire aller, pour que c'était géolocalisation, la connexion Wi-Fi allait s'occuper de ça. Parce qu'il faut se rappeler, les téléphones intelligents comme Android ou des choses comme ça, ou iPod, iPad, peuvent se situer avec la géolocalisation en fonction des points d'accès Internet. Qu'est-ce qui est normal. Mais la PlayStation Vita ne peut pas faire ça. Donc, les services Near, qui est utile pour des barquettes ou des éléments de certains jeux, ne fonctionnent pas. Donc, encore une fois, les joueurs sont pénalisés à ce niveau-là et une demande a été faite. Est-ce qu'une mise à jour de la PlayStation Vita va corriger ça en Amérique du Nord? Et la réponse? Non! Parce que Sony ne met pas ça dans ses priorités. Ils mettent ça dans un tiroir et peut-être un jour ça va se régler, mais pas pour le moment. Et c'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'on peut répéter que acheter, c'est voter. Donc, je pense que Sony va... En tout cas, ça s'améliore pas, faudrait que les consommateurs mettent leurs pieds à terre avec Sony, parce que là, ça fait les deux dernières années, ça fait dur au niveau de Sony. Donc, on va y aller en musique avant la dernière chronique, et on va y aller avec une chanson qui est une chanson d'un générique d'animé qui s'appelle, l'animé s'appelle Claymore, et la chanson s'appelle Danzai no Anna, et c'est interprété par une Québécoise, une dame qui s'appelle Irulan, qui a performé dans des éditions antérieures de Tacuton, entre autres, et qui moi j'ai le CD à la maison, bien content, je me l'étais procuré, en fait une amie me l'avait amené de la convention, et je l'écoute, très bon CD, vous allez voir, on va vous faire jouer ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. ここかで誰か Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et on y va avec ma chronique sur Skyrim parce que Skyrim, ça rock. Et on y va avec les mods de Skyrim. Pour ceux qui ne connaissent pas les mods, finalement, c'est des altérations, c'est des ajouts, des modifications de le mod qu'on amène au jeu. Ça peut être autant pour des cheats complets, ça peut être juste des petits changements, des petits ajouts de décoration, des corrections d'irritants, des nouvelles textures, des trucs du genre. Et il y en a pour vraiment tous les goûts et vraiment des fois de dégoût, je vous dirais, parce qu'il y a des trucs assez douteux. Moi, je vais vous parler de quelques mods que moi j'utilise sur mon Skyrim. C'est sur PC, c'est sûr que là c'est pas disponible. Le gros avantage de jouer à Skyrim, puis la plupart des jeux de Bethesda Studio sur PC, c'est les mods. C'est vraiment intéressant pour ça. Et c'est cheat friendly, avoue-le. Oh, et tout plein, là. Un que je vais vous parler, vous allez voir, ça s'appelle Batch Console Cheats. Donc, en fait, ce que vous allez chercher, c'est que c'est quelqu'un qui a fait un petit fichier texte qui s'ouvre avec le bloc-notes. Puis, il a programmé là-dedans, quand vous écrivez la commande dans votre console, dans Skyrim, disons que moi, je vais avoir toutes les perks. Donc, toutes les habiletés, toutes les skills qu'on peut avoir par rapport aux différentes habiletés, genre toutes les perks qui sont données avec Blacksmith, ben en fait, moi, je tape la commande, il va tout me sortir les perks de toutes les affaires one-shot et j'ai pas besoin de faire code par code. Donc, ça, c'est bien pratique pour les cheaters comme moi. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a des trucs bien intéressants comme A Quality World Map. C'est en fait, c'est quand vous sortez votre map, habituellement, dans Skyrim, il n'y a pas les routes. Vous allez avoir les villes, vous allez avoir le paysage en relief, c'est super beau. Mais avec ça, vous avez toutes les routes. Donc, quand vous êtes perdu et vous êtes tanné de chercher, bien là, vous sortez votre map et vous avez toutes les routes de Skyrim. Donc, vous ne vous perdrez plus. Mais en tout cas, vous allez juste sortir votre map plus souvent pour essayer de trouver où est-ce que vous êtes rendu. Mais très pratique, ce mode-là. Autre chose que je trouve bien intéressant, c'est le Categorize Favorite Menu. Donc, quand vous sortez votre menu favori, à place d'avoir juste tous vos items en liste, bien, il vous les divise. Weapon, Potion, Spell, des trucs du genre. Puis, vous allez les chercher. Après ça, vous avez votre liste favori qui sort. Donc, et voilà, vous allez chercher vos favoris. Vous allez vous connecter, vous allez ramasser vos affaires. Puis, il y a même possibilité. Ça, j'ai pas été capable. Il y a un petit truc avec ma version qui marche pas. Mais vous pouvez vous faire des sets d'équipements, les programmer, peser sur une commande et tout l'équipement que vous voulez avoir pour, disons, le kit light, genre marksman, où ça va tout s'équiper d'un coup. En ville, on aura juste un petit truc noble. Ben, vous avez ça d'un coup. Vous avez d'autres menus. Dans les modes les plus intéressants que je trouve, c'est Dovahkiin's Hideout et Retreat. En fait, c'est un gars qui a créé finalement une grande salle, en fait, qui relie toutes les maisons que vous pouvez acheter dans Skyrim et toutes les places que vous pouvez avoir à vous. Et ça vous amène dans un genre de grand donjon qui est à vous. Donc, vous avez une énorme salle d'armes avec une grande table, des mannequins pour mettre des armures, des places, des râteliers, il y en a pour mettre des armes, une chambre, il y a un aubergiste à vous, il y a un vendeur d'ingrédients, vous avez un donjon, vous avez une bibliothèque énorme, c'est immense. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez tout story, vos affaires en même place, à la place de vous promener d'une maison à l'autre, vous mettez tout ça là, et voilà, c'est réglé. Et vous avez accès à Dovahkiin's Retreat, qui est un petit chalet, proche d'une chute, proche de Whiterun. Puis là, vous avez votre forge à vous, toutes vos petites affaires. Ça fait c'est une retraite. Finalement, c'est un petit chalet de campagne pour votre personnage. C'est vraiment intéressant, ça vaut vraiment la peine. Surtout pour, si vous voulez pas courir d'une maison à l'autre pour votre storage, là, vous mettez tout ça là-dedans. Et voilà, vos armes, toutes les affaires. Puis il y a des coffres, il y a des râteliers, puis il y a des mannequins en masse. Il y a aussi Enhanced Blood Texture. Plus de sang qui reste sur votre personnage aussi plus longtemps pendant les combats, c'est des gouttelettes dans l'écran à place d'être ça améliore vraiment le sang dans le jeu, ça vaut vraiment la peine là, pour les petits détails. Des rajouts d'armes, Jesus, ça s'appelle comme ça, Jaysus Swords, qui rajoute des armes vraiment intéressantes, des ninjato, vraiment des épées style viking, mais des vrais de vrais modèles, des nouveaux couteaux, nouvelles haches, vraiment, je vous dirais une bonne vingtaine de modèles. C'est beau, c'est bien modelé, c'est bien fait, des armes supplémentaires. Vous pouvez avoir un time loading screen aussi, quand c'est con, mais quand vous loadez, puis vous avez votre temps, ben vous pouvez voir l'heure qui. Il y a plein d'autres trucs, Lost Art of the Blacksmith, où ça rajoute les trucs que vous pouvez pas faire avec les armures que vous pouvez pas construire normalement, les armes. Vous pouvez les faire maintenant à la forge. Des retextures d'armure comme pour la Nightingale Armor, mais pour les assassins du Black Brotherhood. Vous avez Dark Brotherhood, vous avez tout ça et bien d'autres encore. Moi, je vous dis d'aller sur skyrim.nexusmods.com, aller chercher un mod manager, allez vous downloader ça, ça vaut la peine. Un beau rajout pour votre jeu, ça vaut la peine d'aller chercher ça. Moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Et maintenant, c'est maintenant la fin, déjà la fin de Puissance Maximale. On vous remercie d'avoir été à l'écoute. Puissance Maximale, c'est aussi un site internet www. Allez sur notre page Facebook aussi, Puissance Maximale. Vous tapez ça sur Facebook, venez nous voir. Suggestions, commentaires, vous voulez avoir, vous venez venir à l'émission nous parler de votre truc geek, votre truc ludique. Envoyez-nous un petit message, on va s'organiser avec vous. Contactez-nous, on est très ouvert et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet également. Je remercie toute l'équipe, monsieur Andrew Castegan. Toujours un plaisir. Merci Andrew d'avoir été là et madame Vanessa Maillot qui est à la console, qui nous met en onde toutes les semaines. Alors je vous remercie à tous et je vous souhaite encore une fois une bonne semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb. When I'm not out with my girlfriend, it's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah.